Radio Mon Pays, il est 19h01, vous écoutez l'émission Blood at Roots pour une spéciale jazz Dixieland et swing. Bonsoir à tous, l'équipe de Blood at Roots est de retour sur les ondes de RMP. On reprend le cours de l'histoire afro-américaine après un petit interlude reggae il y a un mois. On s'est arrêté sur le blues, sur la montée du sud au nord. Et bon, on a fait un peu le triptyque sur le blues. Et là, donc, on passe, Père Julien, au jazz, dérivé. Alors, est-ce que c'est un dérivé du blues ou c'est parallèle ou c'est inspiré? Le blues, a priori, c'est quelque chose de plus ancien. Une musique qui, à la base, se transmet oralement dans les chants de coton, à travers les work songs. Il y a des influences religieuses, etc. Et en fait, la suite après le blues, on en avait déjà un petit peu parlé, c'est ce qu'on appelle le ragtime, qui est une musique plus syncopée, qui se joue au piano par un certain. J'ai plus le nom en tête. C'est pas grave. La suite logique, ça va être le Dixieland, qu'on appelle aussi le jazz New Orleans ou encore le early jazz. Et là, dans l'émission, en fait, tu vas nous amener jusqu'où? Parce qu'il y a plusieurs séquences historiques en jazz. Donc, il y a le Dixieland. Et ensuite, on va... Je vous ai concocté une petite playlist à travers laquelle on va essayer d'être représentatif sur le Dixieland. Mais on va aussi extrapoler un petit peu plus tard et aller voir ce qui se passe dans les années 40 avec le swing, qu'on appelle aussi le middle jazz, en fait. Le middle jazz. Et on fera un petit tour par Paris aussi. Ouais. Vite fait, pour aller voir le côté du jazz manouche. Et puis... En fait, on va assez rapidement parler de la France dès maintenant, en fait. On va vous passer une chanson d'un militaire, en fait, James Reese Europe, qui a notamment interprété le Memphis Blues, et qui est un artiste et militaire, donc, qui a participé à la Première Guerre mondiale. Donc, qui est venu en France, qui débarque à Brest. Et c'est là où les premiers morceaux de jazz joués en Europe vont être joués, en fait. En Bretagne, donc. En Bretagne, à Brest. Et les premiers concerts en salle dans un théâtre, on est en 1918, ça va être à Nantes. Donc, clairement, quoi. Et donc, ça me permet de rebondir sur le fait que le Dixieland, c'est un mélange de plein d'influences. Blues, ragtime, marche militaire... matinée aussi de musique antillaise, donc créole en fait, hein, puisqu'on est à la Nouvelle-Orléans, il y a pas mal d'immigrés français en fait, et oui. Antillais. Et j'ai lu par rapport à la Nouvelle-Orléans aussi que c'est le berceau, on a vu aussi, ce territoire, c'est un peu le berceau du blues aussi, dans le delta du Mississippi. Mm-hmm. Mais aussi que suite à la guerre civile, il y avait aussi beaucoup d'instruments de fanfare qui avaient été laissés et dont les gens s'en sont saisis pour construire un peu ce qui va être les racines du jazz. Absolument. J'ai bon. Absolument. J'ai bon. Et d'ailleurs, il y a un instrument en particulier qui va largement se démarquer par la suite. Vous le connaissez tous, c'est le saxophone, qui en fait, dans les musiques européennes, était un instrument assez malpropre, en fait. Diabolique. L'instrument des diables. Parce que c'était un instrument militaire qui n'était pas accepté dans les orchestres symphoniques et qui va être, à ce moment-là, pas mal utilisé. Tu viens de dire d'où ça vient, en fait, hein, les vieux stocks militaires. On écoute tout de suite Memphis Blues de James Reese Europe. Thank you. Et on vient d'écouter, après James Is Europe, le Original Dixieland Jazz Band avec Livery Stable Blues. Original Dixieland Jazz Band, c'était un groupe de personnes qui étaient blanches en fait. Mais on a trouvé intéressant de le mettre parce que c'est le groupe qui a enregistré les premiers disques de jazz. Quoi que, on verra tout au long du triptyque jazz que des blancs qui font du jazz. Enfin, c'était. Il y en a eu un paquet, quoi. Ouais, enfin, je veux dire, qui sont greffés assez vite sur le style musical. En parlant d'origine, je me suis renseigné sur les origines du mot jazz. Tu nous expliquais les origines de la musique. Moi, j'essaie. Alors, c'est compliqué. Hein. Non, on a trois possibilités. Alors, vous choisirez, c'est le goût. Moi, il y en a une que je préfère. Donc, une, ça vient du verbe patois créole jaser. Pour d'autres, il évoque les prostituées de la Nouvelle-Orléans, qu'on appelle les jazz belles, en souvenir de Jézabel, prostituée biblique. Elle est pas mal celle-là, hein, cette version, il y a un petit peu de religion et tout. Quoique les deux versions ne sont pas incompatibles jusque-là, mais j'attends. Jusque-là. Et la dernière, c'est pour certains, ce serait diminutif d'un musicien ambulant qui s'appelait Jasbo Brown, très prisé du public. Voilà. Moi j'aime bien le côté prostitué, je sais pas. Non mais ça fait bien jazz, Nouvelle-Orléans, il manque un petit peu de vaudou et on est bon quoi. Non mais c'est ça, de toute façon. Ok, du coup, il y a une personnalité qui est intéressante aussi dans un peu l'émergence du jazz, d'abord du Dixieland, et puis qui va un peu déblayer aussi le terrain pour le swing, et qui s'appelle Jelly Roll Morton. Alors c'est un personnage assez incroyable, ce Jelly Roll Morton. Sur ses cartes de visite, il note même « inventeur du jazz ». Il pas était mal. Réputé pour être proxénète. On parlait de prostituée, voilà. Justement. Non, mais tout est lié. Tout est lié. Et puis, c'est la personne que vous détestez, aimez détester, pardon. C'est le type qui arrive à Chicago et qui se pavane dans des costumes incroyables, qui dit de toute façon, tout ce qu'on entend ici, c'est de la merde. C'est vous jouez des sous-styles de ce que j'ai inventé moi-même. Et puis, il a cette façon très exubérante de se présenter, exubérante possible. Et d'ailleurs, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à la Grande Dépression, ces manières ostentatoires vont grandement déplaire. En période de crise, c'est pas vanné comme ça, c'est pas très bien vu. Et en fait, il va partir en dépression, sombrer dans l'alcoolisme, etc. Jelly Roll Morton, on va écouter High Society, Dead Man Blues et Billy Goat Stomp. Thank you. hear 12 o'clock in the daytime church bell ringing. Man, you don't hear no church bell ringing 12 o'clock in the day. Yes, indeed. Somebody must be dead. Ain't nobody dead. Somebody must be dead drunk. No, I think it's a funeral. Hey, look here. I believe it is a funeral. I believe I hear that trombone phone. Thank you. Voilà, c'était Jelly Roll Morton avec ce Billy Goat Stomp dans lequel vous avez reconnu très certainement le cri de la chèvre imité par Jelly Roll Morton. Alors moi je trouvais qu'il y avait un... Ah non, c'est pas celui-là où il y avait de la clarinette. Non, c'est pas celui-là. C'était le premier, ouais. C'est le premier. Ouais, et toi tu parles de cri de chèvre, c'est bien. Donc, bon, on n'a pas tout à fait terminé avec le Dixieland, mais comme vous le savez, maintenant, Stéphane, il a l'habitude de faire des digressions en fait, pendant l'émission, et je pense que le moment est venu de faire une petite digression, ouais. Stéphane. Qu'est-ce que tu nous as prévu? Alors, c'est la première, hein. Il y en aura d'autres. Je me fais plaisir aussi. On parlait justement de musiciens blancs au jazz. Alors là, il y a une faille dans l'espace-temps. On est plutôt dans les années 80, 90. On va passer deux morceaux. Donc le premier, c'est Tom Waits. Tom Waits, c'est un chanteur à la voix, comment dire. J'hésite entre trop plein de whisky, de cigarettes, mais rocailleux, c'est le terme, ouais. Tout à fait. Donc Tom Waits, faut savoir, il y a un lien avec le jazz puisque il a joué notamment dans Cotton Club, qui est un des films avec Ragtime justement de Milos Forman, un des premiers films qui ont montré un petit peu cette époque jazzy. Donc, premier morceau de Tom Waits, il est accompagné au saxophone par John Lurie. Alors, John Lurie, lui, c'est le phénomène inverse. Tom Waits était musicien, il est devenu acteur. Oui. Ben non, c'est le même phénomène, en fait. John Lurie était musicien, mais et a été aussi acteur. Ils ont joué ensemble dans plusieurs films. Ils ont fait des albums ensemble. Mm-hmm. Et donc, John Lurie l'accompagne au saxo sur le premier morceau. Et le deuxième morceau, c'est un morceau donc, du groupe de John Lurie, The Lodge Lézard, qui est plus du free jazz new-yorkais. Alors, c'est un morceau, je me fais plaisir. C'est 5 minutes de batterie. Pourquoi la batterie? Pourquoi un solo de batterie à la radio? Tu vas nous expliquer un peu la place de la batterie dans le jazz. C'est un bel hommage que tu fais au jazz et à la batterie surtout, d'abord. Vous le savez peut-être, peut-être pas, mais en fait, la batterie, c'est un instrument qui a été spécialement créé pour le jazz, en fait. Là, dans le Dixieland, c'est une musique qui se joue plutôt dans la rue. Et comme on va le voir un petit peu plus tard, ce qui va se passer dans le swing, c'est que le jazz va se sédentariser. Donc, il va falloir trouver de nouveaux moyens en fait, de battre le rythme. Et donc, la batterie qui va être plus puissante, qui va avoir cet avantage d'être sédentaire, en fait, va prendre toute sa place dans un style alors en pleine expansion. Donc là, pour le coup, elle va être puissante. On va envoyer donc deux morceaux, le Tom Waits qui est le Walking Spanish, et ensuite suivi de John Lurie and the Lodge Lézard, concert en 91. Le morceau s'appelle Welcome Herr Lazzaro. Il faut imaginer sur scène John Lurie, c'est vraiment du free jazz, c'est-à-dire vraiment le côté new-yorkais. Ils sortent tous plus ou moins du conservatoire de New York, je crois, dans le délire, costume, cravate, sauf le batteur qui lui est en cycliste. C'est le seul black du groupe. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'ils improvisent, c'est-à-dire qu'ils sortent de scène et qu'il y en a un qui trouve la phrase qu'il faut. Il y a le percussionniste qui rentre. Enfin, c'est vraiment. C'est à voir et c'est à écouter. Donc, n'éteignez pas et écoutez ces 5 minutes de batterie. He got himself a homemade special. You know his glass is full of sand. Like a jaybird, the way it fits into his hand. He rolled a blade up in his trick towel. They slapped their hands against the wall. You never trip, you never stumble. He's walking Spanish down the hall. Slip him a picture of our Jesus, or give him a spoon to dig a hole. But all it done ain't no one's business. But any blankets for the cold. Bet them the lights are on Broadway. Even the king is bowed his head. Never face looks right up at Mason. Man, he's walking Spanish down the hall. Latella's screeching for a blind pig. Punk Sanders carved it out of wood. He never sang when he got hoodwinked. They tried it all, but he never would. Tomorrow morning there'll be laundry, but he'll be somewhere else to hear the call. Don't say goodbye, he's just leaving early. He's walking smooth. Tip your hat up to the pilot. Take off your watch, your rings and all. Even Jesus wanted just a little more time when he was walking Spanish down the hall. Voilà donc, après cette petite digression menée par Stéphane et ce magnifique solo de batterie, on va revenir un petit peu plus dans le sujet, donc sur le Dixieland ou Jazz New Orleans, si vous nous écoutez depuis le début. Et pour illustrer un petit peu la mixité des influences qui sont à l'œuvre dans ce style de musique, en fait, on a choisi un compositeur, Kid Ory, créole, né à la Nouvelle-Orléans, qui officiera par ailleurs en Californie et à Chicago, qui va bien démontrer en fait les influences antillaises qu'on retrouve dans le jazz à tout moment. Et on va illustrer ça avec un titre d'ailleurs chanté en créole, Blanche Toukatou. On écoutera ensuite deux gros standards de jazz qui continuent certainement à être joués aujourd'hui avec Muskrat Ramble et Royal Garden Blues. Alors, Kid Ory, avant de lancer peut-être les musiques, faudra peut-être signaler quand même que c'est ni plus ni moins que le premier enregistrement d'un groupe noir en 1922 en Californie. Et puis bien sûr, comme on le sait, le jazz c'est un petit monde à l'époque et on le retrouve d'ailleurs avec Jelly Roll Morton qu'on vient d'écouter un petit peu plus tôt et puis Louis Armstrong à une certaine époque. Mais on va plutôt écouter cette petite influence antillaise avec Blanche Toukatou. Thank you. RMP 90.1, la première partie de certainement nos 3 ou 4 émissions sur le jazz. Le jazz, alors, qui a connu un peu une évolution géographique, un peu comme le blues, qui a pris, on a vu naissance avec les fanfares à la Nouvelle-Orléans. Et c'est vrai que la Nouvelle-Orléans, c'est l'endroit où les gens pouvaient jouer. Il y avait des bars, il y avait de l'alcool. Et à partir du moment où les bars, notamment, ont fermé, il y a eu une vague de migration, un peu comme le blues, du sud vers le nord, et notamment sur 2 villes, à Chicago et à New York. Alors surtout Chicago, parce qu'il y a beaucoup de musiciens de Nouvelle-Orléans qui sont installés à Chicago. Mm-hmm. Donc on a un peu le même parallèle de ce qu'on avait vu sur les émissions sur le blues, c'est-à-dire une migration de musiciens et cette migration va apporter certainement un autre style qu'on verra plus tard dans l'émission ou dans les autres émissions. Mais là, on va rester un petit peu sur le côté Nouvelle-Orléans avec le prochain interprète et compositeur et chanteur et il a tout fait. Qu'on ne va pas présenter, hein, vous le connaissez tous, c'est Louis Armstrong. Donc, What a Wonderful World. Qui arriveront plus tard, en fait, parce que Louis Armstrong, on le connaît beaucoup pour ses enregistrements dans les années 50, 60. Enfin, il a jalonné pratiquement un demi-siècle de jazz. Il en était le meilleur ambassadeur, parce que c'était quelqu'un de généreux, c'était quelqu'un de charismatique, c'était quelqu'un qui était un musicien d'exception. Et puis c'est quelqu'un qui avait aussi une voix qui est. Une voix, quoi. Inoubliable, on peut le dire. Je pense cette grosse voix rocailleuse, pas tout à fait comme Tom Waits, pour revenir dessus. Mais... Peut-être pour les mêmes causes. Peut-être pour les mêmes causes, qui sait. Et donc, on va écouter 2 morceaux de Louis Armstrong, mais du coup, des choses qui sont un peu plus anciennes, qui datent de cette même époque. Donc, on est dans le Dixieland, le New Orleans, et on va commencer avec St. James Infirmary Blues, qui est en fait... Une composition qu'on ne sait pas trop qui c'est qui l'a écrite, mais ce qui est à peu près sûr, c'est qu'elle date du début du 19e siècle. Et alors, on était sur le thème des... Tu parlais de prostituées tout à l'heure. C'est l'histoire d'un soldat qui va dépenser tout son pécule en prostituée, qui finira au St. James Infirmary avec une maladie vénérienne. On peut penser que tout ça s'est passé dans le quartier de Storyville, qui est le fameux quartier de Nouvelle-Orléans dont je parlais tout à l'heure, avec les bars ouverts, les prostituées. On peut imaginer ça. On peut imaginer toute cette fébrilité, toute cette folie, cette spontanéité qui caractérise la New Orleans et le Dixieland de l'époque, hein, puisque le Dixieland, comme vous avez dû certainement le remarquer, c'est un style de musique qui est quand même très fortement imprégné d'improvisation collective. Et au niveau des instruments, on retrouve beaucoup de cuivre, hein, trompette, trombone, clarinette. Et puis de temps en temps du banjo, de la guitare et quelques percussions assez basiques en fait. Mais on revient sur Louis Armstrong et on va vous faire écouter St. James Infirmary Blues et Fireworks de son orchestre le plus connu de l'époque dont j'ai oublié le nom. Du son. Ça va trop vite pour moi. Ok. St. James Infirmary, saw my baby there, stretched out on a long white table, so sweet, so cold, so fair. Let her go, God bless her. Wherever she may be, she can look this wide world over. She'll never find a sweet man like me. When I die, I want you to dress me in straight leg shoes, box back coat and a Stetson hat. Put a $20 gold piece on my watch chain so the boys will know that I died standing pat. Voilà, donc c'était Louis Armstrong, qu'on n'a pas présenté, qu'on ne présentera pas parce qu'on ne le présente plus. Non. Et puis, ben, et bon, il ne faut, faut pas perdre de vue qu'on est à Toulouse avec Nougaro qui lui a rendu un grand hommage déjà. Ouais, c'est déjà pas mal. Bel hommage. C'est un bel hommage. C'est un bel hommage qu'il lui a rendu. On enchaîne avec, avec une autre grande figure du géant. Jazz. Un autre géant. Monstre sacré. Il y en a beaucoup quand même des, des géants. Surtout à cette époque-là, parce qu'on a quand même. Enfin, on vient de parler de Louis Armstrong qui a quand même traversé voilà, un demi-siècle, Duke Ellington pareil. Qui sera acteur par la suite. C'est donc Duke Ellington dont tu viens de parler. Ah ben voilà, je peux rien te cacher, Stéphane. Ouais, on va écouter du Duke Ellington. Et d'ailleurs, j'avais hésité à mettre un autre jazzman qui aura une belle carrière, Sidney Bechet, d'ailleurs, qui aimera beaucoup la France et qui vivra même pendant un certain temps. Mais en fait, on va entendre Sidney Bechet officier dans les titres qu'on va écouter tout de suite. Oui, et puis on en parlera à Sidney Bechet quand on fera le petit tour par Paris. Ouais. Parce que c'est un peu lié avec le jazz à Paris. Ouais. Bon, Duke Ellington, il va jouer dans un club un peu spécial, le Cotton Club. Alors, c'est pas un club de prostituées. Non. En fait, je connais pas. Non, Cotton Club, oui, ça, il y avait plusieurs grands clubs. Celui-là est particulièrement connu parce qu'il y a eu un film voilà, qui l'a mis en avant. Mais bon, il y en avait d'autres. Hein. Mais le Cotton Club, oui, qui a vu passer. On verra d'autres musiciens, donc Cap Calloway, mais on en reparlera plus tard. Mais, oui, c'était la période d'Harlem, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois, alors il y avait les deux possibilités. Il y avait les groupes qui jouaient simplement pour les blancs, et les noirs étaient interdits. Ou sinon, il y avait des clubs qui étaient interdits, ou c'était que des Afro-Américains, quoi. Ok. Et ben du coup, on va se lancer sur Duke Ellington. Ouais, ce qui était intéressant sur Duke Ellington, c'est qu'il fait le passage entre le Dixieland. Ouais, alors c'est vrai que j'ai construit ça un peu comme ça. J'ai mis une chanson de son époque un peu New Orleans, Dixieland, et voilà, pour voir un peu l'évolution, ce que ça donne après. It Don't Mean a Thing, d'ailleurs, c'est l'original de ce qu'on passe en intro de l'émission Blow That Truth, que donc Thelonious Monk, It Don't Mean a Thing, c'est en fait Thelonious Monk plays Duke Ellington. Que dire de plus, j'avais un truc en tête, mais C'était le passage en fait. Dixieland, le premier morceau c'est Dixieland, et le deuxième, plus le passage au swing, au big bang, c'est ça? Voilà, absolument. Et du coup, je suis dans ta tête, non, mais quasiment. Tu me fais repenser à ce, enfin, bref. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs de musique Dixieland et New Orleans qui vont en fait arrêter leur carrière, qui vont se mettre à la retraite à l'avènement du swing. Comme à chaque fois qu'il y aura d'ailleurs un nouveau mouvement musical, mais t'en as qui vont en fait traverser les époques. Et c'est le cas de Louis Armstrong, c'est le cas de Duke Ellington, avec lequel on va passer quelques minutes avec les morceaux Choo Choo et It Don't Mean a Thing. Thank you. What I do, ta-ta-do, ta-da-do. Radio Mon Pays, 20h05, vous écoutez toujours Blood at Roots. Spécial jazz. Début du jazz. Début du jazz, early jazz, middle jazz, New Orleans, swing, et affinité. Stéphane, ouais, et tu pour... dois nous parler. Je vais vous parler dans le micro. On va rester sur Duke Ellington, mais alors là, on fait une petite pause, on va écouter un hommage à Duke Ellington. Donc un hommage de Manu Dibango, grand saxophoniste camerounais. Manu Dibango, on en reparlera pour l'émission du 31 mai, qui sera, là on va faire un petit focus sur, c'est même pas du Latin Jazz, ça sera du World Jazz, parce qu'il y a de l'Africain, Brésilien, Cubain forcément, Portoricain. Donc on fera un petit peu ça, avec la venue d'un groupe qui viendra, alors ça va être un grand test technique et qui viendra certainement, alors il y aura une interview, mais il y aura surtout des morceaux en live, je crois, d'après les techniciens. Alors ce groupe se nomme 3-4 morceaux en live du groupe, donc Lisiane Skylark Trio. Voilà, donc ça sera pour le 31 mai, World Jazz. Et là, on envoie donc le son Manu Dibango. On le retrouvera, Manu Dibango, le 31 mai. Manu Dibango qui fait un hommage à Duke Ellington. La chanson s'appelle Duke in Bushland. On écoute ça, du jazz, de l'africain, du soleil. C'est parti. C'est ainsi que nous vous invitons dans notre Bushland, vos kilos. Ha, ha. voilà, vous venez d'écouter Duke Ellington avec Black Beauty et Caravan. Caravan qui est un morceau intéressant puisque ça deviendra un grand standard de jazz où Duke Ellington introduit en fait des grosses sonorités orientales. Et puis il y a une petite question à laquelle on réfléchissait avec Stéphane, c'est qu'on se disait, mais c'est vrai qu'il y a moins ce côté engagé quand même dans cette émission. Oui, y a moins, mais parce que c'est lié aussi à l'évolution du jazz en lui-même. Le jazz, c'était certainement une des premières musiques populaires, populaire dans le sens vraiment, enfin, danser, de divertissement. Absolument. C'est un peu ce qu'on a vu, ce qu'on voit. Mm-hmm. Et après, par contre, l'engagement va venir plus tard. Il va venir plus tard, ouais, avec des musiciens qui officieront plus dans le free jazz, etc. Mais en fait, ça s'explique assez facilement. Hein. On est dans des enclaves assez spécifiques à la Nouvelle-Orléans, et puis après, ils monteront à Chicago, etc. Enfin, ils sont moins touchés par ce travail dans les champs de coton. Donc, il y a moins cet engagement qui est dû aussi à une condition, de facto. Et puis, il y a peut-être une envie aussi de s'évader d'une autre manière, quoi. Enfin, de s'évader simplement en s'amusant. C'est un peu le jazz. Les gens s'amusaient, dansaient et donc, on verra le côté free jazz plus tard, certainement à la troisième émission. On a vu qu'on faisait de la tune jazz le 31 mai, mais certainement en juin, ça sera une bonne partie free jazz. Et donc là, on parlera de l'engagement de ces musiciens. Ouais, t'es optimiste sur la troisième émission, je pense. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir. Peut-être la quatrième. Peut-être la quatrième. Mais là, on reste sur le divertissement. Donc, ces fameux grands orchestres qui se tiraient la bourre entre eux, oui. Si je puis dire. Non, mais c'est véridique. Parce que... Et d'ailleurs, on va le voir tout de suite avec un morceau de Cab Calloway. Cab Calloway qui est, on l'a entendu notamment dans les Blues Brothers, hein. c'est toi qui m'en parlais de ça. Oui, c'est certainement ce qui a vulgarisé auprès du public, c'est sa chanson Mimi the Moochers, qui, devinez quel est son métier ? Prostituée. Mais oui, Mimi the Moochers, c'est une chanson sur une prostituée. Non mais c'est vraiment la trame, je vois Julien qui frétille dans sa cabine. Mais c'est la trame, oui, Mimi the Moochers, Cab Calloway parle d'une prostituée, donc c'est la chanson super connue, mais il n'y a pas que celle-là, parce qu'il faut voir quand même que dans son orchestre, il se tirait la boîte avec Duke Ellington, son orchestre, c'est quand même lui le premier qui a engagé Dizzy Gillespie. Ce qui n'est pas rien, qu'il a fait connaître. Donc, l'idée, là, c'est... Et le deuxième point, donc, c'était maître de cérémonie Cotton Club, au Cotton Club. Et le deuxième point, c'est que Cab Calloway, il a joué dans l'opéra de George Gershwin, Porky and Bess, qui parle de la vie d'une famille dans un quartier fictif de Charleston, dans le sud des États-Unis. Donc, en fait, on va enchaîner deux morceaux. Morceau de Cab Calloway et ensuite un morceau des Gun Club, mon groupe fétiche. Je ne pensais pas le remettre pour le jazz, mais j'ai réussi à vous. T'as réussi à le J'ai réussi à le mettre. Parce que le Gun Club reprend une chanson de l'opéra de Gershwin. Alors, il faut bien s'imaginer Cab Calloway qui est un personnage pareil truculent. Ah oui, c'est vraiment le maître de cérémonie chanter même le public, qui fait ses pas de danse incroyables. Ou le précurseur de James Bond, certainement. Enfin, non, mais vraiment, enfin, je veux dire, il avait cette présence-là. Ah oui, oui, James Bond, oui, bon, c'est James Bond, mais il s'est inspiré des costumes. Ces costumes blancs, que de pie, c'est quelque chose. Ouais. Donc voilà, deux morceaux, un Cab Calloway et puis un Gun Club qui est une reprise de l'opéra de Gershwin, Porgy and Bess, My Man is Gone Now. You like to blow your top, dig yourself some fine rebop. Hidey, hidey, hidey, hidey. Oh, the hidey, ho, man, that's me. Hidey, hidey, hidey, hidey. Hidey, hidey, hidey, hidey. Hidey, hidey, hidey, hidey. Say, I have to be in London, I have to be in Holland, I have to be in Gay Paris. Yes, siree, yes, siree. Oh, the hidey ho, man, that's me. Hidey, hidey, hidey, hidey. Hidey, hidey, hidey. Hey, hidey, hidey. Hidey, hidey, hidey. Hidey, hidey, hidey. Hidey, hidey, hidey. for that right greasy five. Hidey-ho, hidey-hee. Oh, the hidey-ho, man, that's me. Hidey, hidey, hidey, hidey. Hidey, hidey, hidey, hidey. Hey, hidey, hidey. Hey, hidey, hidey. Hidey, hidey, hidey, hidey. Say, Jack, be solid fella, be real groovy fella, and you're gonna be just about as sharp as me. Yes, sirree. Yes, sirree. Oh, the honey, oh, man, that's me. Hidey, hi. Hidey, hi. Yeah, hey. Yeah, hey. Oh, hoody, hoody. Hoody, hoody. Hidey, hidey, hidey, hidey. Oh, mi niquila de sabo, muro, niña, mata, sabo, mato, niese, barara. The hidey-ho man, that's me. Pour ma part, donc une fois n'est pas coutume, on a créé une nouvelle rubrique, un petit quiz, un petit blind test pour nos deux spécialistes musicaux Tu vas essayer de nous poser une colle. Je vais essayer. Je pense que ça va être compliqué. Il va réussir. Mais c'est pour l'instant de la musique qu'on n'a pas passée. Ouais, en fait, moi, je ne suis pas forcément un produit de jazz. Hein. Non, mais vous êtes quand même une connaissance musicale déjà importante. Donc, Non, attends. Je crois qu'il y a une deuxième nouveauté. T'en rajoutes, là. Une deuxième nouveauté, oui, tout à fait. Vous pouvez également... nous envoyer un si jamais nos deux spécialistes ne trouvent pas les musiques qu'on va leur proposer, vous pouvez appeler donc, à la radio Montpaïs au 05 62 27 23 23. 05 62 27 23 23. En gros, c'est en s'amusant entre nous, c'est trop con, les gens... Normalement, on ne devrait pas y avoir le problème, mais vous pouvez quand même nous appeler hein, pour nous dire que vous aimez l'émission. Répète bien le numéro. 05 62 27 23 23. 05 62 27 23 23, tu ne connais pas par cœur. Bah non, je te découvre. Donc on va demander à notre DJ Benito. I see them blue. C'est Louis Armstrong. For me and you. Ça c'est What a Wonderful World, je pense. Wow. Ouais. On a commencé par facile, donc pas besoin d'appeler. Ils ont trouvé. Ouais. Raccrocher, c'est bon. Une deuxième, s'il te plaît. Somewhere there's music, I'll think the tune. Ah, là, on sent. C'est une femme. Tu crois? Très bon indice. Mais est-ce qu'elle est prostituée? Tu te le dis ensemble. On n'est pas sur Stern. Non. Vous pouvez appeler. Vous pouvez appeler un petit peu plus haut, enfin. Est-ce que nous, on peut appeler quelqu'un comme dans le jeu de... C'est votre dernier mot. Ouais, ça va être court. Hein, c'est votre dernier mot, Jean-Pierre. Et la pizzeria. Il est là. Pierre-Julien. Mais la voix, elle me parle. Ouais. Le titre, c'est Oh, Eye the Moon. Ok. Une troisième, s'il te plaît. Ça, c'est une trompette que j'ai reconnue aussi. Pas assez. Saint-Martin. Il l'a. Dont on parlera tout à l'heure. Charlie Parker, Saint-Martin. Je précise, non, on n'en parlera pas tout à l'heure, je vais en parler maintenant. Summertime. Attends, non, parce qu'on a. On a excuse-moi. Non, vas-y. Excuse-moi, mais je précise, Summertime, parce qu'on a écouté le morceau tout à l'heure de l'opéra de George Gershwin, Porky and Bess. Et cette chanson est tirée de cet opéra. D'accord. Qui est un grand standard du blues. Et c'est un énorme standard qui sera repris. C'était pas du tout préparé, c'est ça qui est... Ouais. Ils sont vraiment connaisseurs. Hein. Vraiment, pour l'instant, ouais. 3 sur 3, hein, sans faute. Ouais, mais t'apportes de l'émulation. Et la quatrième qui est... Nougao. C'est une musique d'émission assez connue. Monte le son un peu. C'est beaucoup plus intéressant. Non, ce n'est pas la mode d'entrée. C'est la musique de la mode d'entrée, ça. Ouais, c'est Michael Bublé. Ah, Michael Bublé. Avant You Met. Moi, j'aurais plutôt vu la chanson qu'on écoutait tout à l'heure avec les cris de chèvre. L'amour est dans le pré, ça paraît bien. Oui, il y a un lien, tout à fait. Billy Goats. Non, mais tant qu'à faire. Bon, personne n'a appelé, mais pourtant, vous l'aviez, celle-là. Mais... Ouais. Bon, ils sont quand même pas mal, hein, 3 sur 3. Mais est-ce qu'il y a seulement quelqu'un qui nous écoute? 05 62 appelez, 27 23 appelez. 23. Il n'y a rien à gagner, mais juste participer à l'émission. Voilà. Marquez-nous votre soutien, à la limite. Donc, je vous laisse reprendre. Merci pour la petite rubrique qu'on essaiera de refaire, peut-être. Ben, merci, Julien. Peut-être, Julien, si les gens appellent. Ouais. Ouais, là, on va repartir. Alors, on va faire le petit détour par le petit crochet par Paris. Ouais, c'est ça, enfin, alors, très important. Je te laisse introduire le truc. Bah, c'est-à-dire que bon, c'est un secret pour personne. Hein. Les États-Unis et la France, c'est une histoire d'amour, d'amour-haine, si j'ose dire. Mais dans la culture, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une vraie relation d'amour. Il y a plein de jazzmen qui viendront en France à différentes époques pour jouer avec les musiciens et les chanteuses et les chanteurs français. Ou qui étaient venus, comme tu disais tout à l'heure, durant soit la Première Guerre mondiale, soit la Deuxième, et qui sont restés un petit peu. Enfin, il y a eu pas mal... Il y a eu différents cas de figure. Le côté avec la France, quand même, ce qu'il faut voir, c'est qu'on avait parlé lors de l'émission spéciale Voix féminine. C'est-à-dire que ce qui introduit quand même, mine de rien, c'est Josephine Baker. Même si c'était pas vraiment, du jazz dans le côté spectacle et dans le côté des musiciens, c'était La Revue Nègre dans laquelle a joué Cécile Nébéchette qui a joué dans La Revue Nègre. Absolument. Voilà. Ouais, donc tout part de là et après on y reviendra dans d'autres émissions les jazzmen américains qui sont venus faire la bringue à Montmartre notamment. Au Pré Saint-Germain aussi. Au Pré Saint-Germain. Très important, les Pré Saint-Germain. C'était un peu le cœur battant du jazz à Paris. Quoi. Enfin... Et donc, qu'est-ce qu'on va écouter par rapport à tout ça? Il me semble qu'on avait. Une petite salade. Laitue, ouais. Royal Ridge, qui est un musicien. On va dire que si le classicisme, c'était un petit peu. Fait cher, ça aurait été Roy Eldridge qui l'aurait incarné, en fait, je pense, on peut le dire. Et il est venu en France au début des années 50, si je dis pas de bêtises, et il a enregistré cette chanson, Une Petite Laitue, avec des musiciens locaux. Alors, par contre, j'ai pas été plus loin dans la recherche, mais c'est pas grave. Il va chanter en français, il va bien chanter, et on comprend pas tout, mais c'est beau. Qu'est-ce que t'as Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu dis? Badoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoud sang. Ça c'est bon plat. Toujours la même histoire, c'est la même folie. Un petit litou, des tomates avec de la mayonnaise. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu bois? Tant pis. Shooty woody woo, shooty woody, shooty woody woo, shooty woody, shooty woody woo, shooty woody, ba do do dee ba do do dee do dee. Même folie, un petit litou, des tomates avec de la mayonnaise. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu bois? La mayonnaise. Voilà, donc c'était une petite étude de Roy Eldridge. On a un pied en France, on va y mettre les deux pieds. On va y rester un petit peu. Ouais. On va rester un petit peu avec, avec l'introduction de, eh ben, d'une autre, d'autres instruments et un autre rythme. Bah, clairement, on va parler de Django Reinhardt qui, lui, dans le swing, a introduit le swing manouche, le jazz manouche. Le jazz manouche, ouais. Alors, c'est lui qui l'a inventé. C'est lui qui l'a inventé, il faut dire ce qu'il y a. Quoi. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il a appris. Voilà, c'est un manouche, hein, c'est dans le titre. Il a appris à jouer dans les rues en reproduisant à la guitare ce qu'il entendait à droite, à gauche. Et puis un jour, il a eu un accident de caravane. Il a été brûlé. Puis il a développé un style de guitare très particulier, très virtuose, avec deux doigts. Je trouve ça incroyable, moi qui suis un peu guitariste, et il faut le notifier, puisqu'on aime bien aussi parler un petit peu des instruments, dans Blood at Schultz. Et du coup, qu'on écoute ? On va écouter un de ses duos avec un jazzman justement américain, Benny Carter, qui était saxophoniste lui aussi de son état. Ouais, et on passera à un autre morceau avec un duo aussi, mais là pour le coup c'est avec Stéphane Grappelli, qui est aussi un grand musicien de la musique, notamment jazz manouche, et qu'on a tendance parfois à mettre un peu dans l'ombre de Django Reinhardt, mais qui reste un très très grand violoniste. Quoi. C'était son wingman, si j'ose dire. Ouais, de toute façon, ils étaient comme cul et chemise. Clairement. Leurs plus grands enregistrements, ils les ont fait à deux, et c'est virtuose, c'est beau, c'est libre. Et c'est donc deux morceaux, un premier plus jazz, enfin... et le deuxième avec Grappelli, donc deux morceaux de Django Reinhardt. On reste encore un petit peu à Paris. Donc, Benny Carter, Django Reinhardt, Farewell Blues et une surprise. Thank you. Bien, alors je pense que vous avez tous reconnu l'air du deuxième morceau de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli. Comme quoi, il n'y a pas que Gainsbourg qui a eu l'idée de réarranger notre hymne national. On reste sur Paris parce que donc DJ Bizou voulait nous parler un petit peu d'un quartier qu'il a beaucoup fréquenté, qui était Pigalle, non ? C'est ça tout à l'heure. Non, t'habitais à Pigalle il y a longtemps. J'habitais à côté de Pigalle. Donc on reste toujours dans notre logique, Nouvelle-Orléans, prostituée. Mais ça, c'était un autre temps. Tout à fait. Tu peux nous resituer un petit peu l'ambiance, justement, on a vu ces Américains qui venaient vivre et voir faire un peu la fête à Paris. Tu peux nous resituer un peu ça ? Je vais vous resituer justement en vous parlant d'une... à chaque fois, on essaie de quand même d'étendre un peu la musique à la culture, notamment aux bandes dessinées, aux films. Et donc là, je vais vous présenter une bande dessinée, donc Panama Al Brown, une bande dessinée vraiment géniale, qui se déroule dans les années 40. Donc, on suit, en fait, c'est une biographie d'un boxeur. Panama Al Brown, enfin, il s'appelle Alfonso Teofilo Brown. La bande dessinée commence en fait en suivant un journaliste qui est en difficulté, qui doit trouver un sujet pour son patron dans les années 40. Du journaliste de l'Équipe ? Ah, un journaliste, d'un journal français. Et du coup, il va à Paris, il va assister à un discours de Jean Cocteau. Voilà. Jean Cocteau, qui était par rapport à ce boxeur qui était un bon ami à ce boxeur. Justement, il va le citer lors d'un discours. Et donc, le journaliste va investiguer sur ce boxeur. Ça va l'interpeller. Il va investiguer. Donc, dans cette bande dessinée, on va beaucoup voyager. On va aller au Panama d'abord, voir la sœur du boxeur. Ensuite, on va retourner à Paris. Et ensuite à New York. Harlem, où ce boxeur... Alfonso Teofilo Brown a été champion du monde quand même de boxe en 1935 à Valence en Espagne. Il faut le situer. Donc si je peux le citer, Alfonso Teofilo Brown, c'est 165 combats, 132 victoires. Et donc il a été champion du monde pendant 6 ans, donc de 1929 à 1935. Donc c'est une bande dessinée qui a un dessin vraiment fabuleux, réalisé par Alex W. Inker, qui a reçu de nombreux prix. Ça rend hommage à un oublié de l'histoire, car je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce boxeur. Ça m'étonnerait. Si, j'ai lu la BD. Ah, t'as lu la BD, du coup, tu sais. Du coup, je sais. En plus, c'est un musicien, non Non, c'est pas un musicien, mais dans cette bande dessinée, justement, ouais, c'est ce qui est intéressant. Pour relier au jazz, c'est qu'il passe beaucoup de soirées à Paris. Notamment dans des cafés. C'est un peu ce qu'il perd aussi, c'est-à-dire qu'il se brûle les ailes à Paris. Enfin, il est tellement connu, tellement connu à Paris que c'est le roi de Pigalle. Enfin, après, un peu ce que tu as connu, toi, quand tu étais à Paris. Non, mais justement. C'est le roi de Pigalle et il se brûle. Enfin, non, mais c'est super intéressant. Quand il est en, justement champion du monde, il se fait recevoir à Paris, il se fait recevoir par tous les restaurants, tous les cafés. Là, il est vraiment en haut de l'affiche. Ouais, mais c'est un bon parallèle avec les jazzmen qui, exactement. Voilà, ils arrivaient, ils étaient justement, top renommés à Paris. Justement, ça a été un génie des années 30 qui ne pouvait accéder aux honneurs qu'il méritait parce que il a brûlé la vie par les deux bouts. En effet, il a été alcoolique, toxicomane, homosexuel également. Voilà, il y a on suppose à travers la bande dessinée qu'il a eu une aventure avec Jean Cocteau, mais c'est pas sûr. Ah, vaut mieux coquetard que jamais. Voilà. Donc c'est un petit chef-d'œuvre, cette bande dessinée, vraiment. Moi, j'étais passionné. Et notamment, certains passages, où, quand il passe dans les cafés, on a, dans certaines bulles de la bande dessinée, de la musique. Et on a envie, justement, d'écouter cette musique. Et grâce à l'émission Blue Dat Roots, ça nous a permis de relier ça. Et donc Panama Al Brown, c'est l'histoire de la frustration des gens qui ne comptent rien. Voilà, il dépensait sans compter, il avait beaucoup d'amis à cette époque-là. Et après, il décède Il décède à 48 ans à Staten Island. Ouais, voilà, et dans la pauvreté, quoi. Dans la misère totale, comme beaucoup de génies. Exactement. Donc cette bande dessinée, c'est vraiment, voilà, je vous conseille de la lire. Il y a un dessin noir et blanc qui déborde de vie. Et c'est vraiment extrêmement beau, autant que cette histoire est triste. Tu peux répéter simplement l'auteur et que j'en s'y retrouve. Donc la bande dessinée, c'est le titre, c'est Panama Al Brown, donc sur le boxeur Alfonso Teofilo Brown, réalisé par Alex W. Inker. Disponible chez votre libraire préféré. Julien Cordo. Non, on n'a pas entendu. Ok, ben après cette présentation très sympathique sur une bande dessinée, on va enchaîner. On va enchaîner sur de la musique. Si tu veux parce que passer quelques morceaux, et c'est important. Le temps nous est compté. Ok, donc on s'était dit quoi ? Qu'on allait passer en vrac deux, trois morceaux de swing pour terminer. Quelques remarques sur le swing par rapport au Dixieland. Ouais, on repart aux États-Unis là. On repart aux États-Unis. On y va. Par rapport au Dixieland, vous l'avez remarqué, hein, le Dixieland, c'est un peu presque bordélique, c'est beaucoup improvisation collective. Et puis dans le swing, ça commence à s'agir. On commence à écrire des arrangements. Il commence à y avoir des solis, qui sont un peu isolés, qui se noient un petit peu dans les grilles d'accords. On avait envie de vous partager cette musique-là dans Blue Dat Roots. Et donc, on va écouter Johnny Hodges, Empty Ballroom Blues. Et puis en vrac quelques artistes importants comme par exemple Count Basie et puis on verra par la suite. On verra si on a le temps. Voilà. On verra si on a le temps. La Toots touche à sa fin. Il ne reste que 4-5 minutes. Comme on vous l'a précisé, le 31 mai, ça sera une spéciale Latin Jazz. On fait un petit détour. Enfin, pas Latin Jazz, World Jazz, parce que c'est un peu plus vaste. Et ensuite, on reprendra en juin le déroulé historique du jazz américain. Et là, pour le coup, ça sera quel style de jazz ? Alors ça, on verra un peu au fur et à mesure la programmation des émissions, mais on va très vite parler même de bebop, avec des gens comme Charlie Parker par exemple, Duke Ellington qui va aussi un peu officier dans le style, Dizzy Gillespie, pardon. Et puis on va vite arriver sur des trucs comme le cool jazz avec des Miles Davis, le free jazz notamment aussi, le hard bop, on va vraiment explorer... essayer d'explorer un max de choses avec John Coltrane aussi qui va arriver. Ouais. Donc l'idée c'est un peu ça, on se fait un petit détour World Jazz et on reprend l'histoire du jazz dans une deuxième session. C'est ça, on va essayer d'en parler de manière un peu chronologique, à part peut-être la prochaine émission, ouais. Et puis comme on a l'habitude de faire dans Blood at Shoot, essayer d'en parler un petit peu, en toute humilité, avec des playlists intéressantes qui sont à la fois représentatives et puis qui permettent aussi de voir un petit peu, d'avoir une vue d'ensemble. Quoi. Enfin, et en parlant de playlist, on se quitte sur quel morceau ? Eh ben, on va se quitter sur un morceau de Count Basie, Bugle Blues. Et puis, vous connaissez la suite. Ah non, on n'aura même pas le temps de passer Tenno News pour la fin, mais bon. Allez, on termine avec Count Basie. Qui reste quand même une des pointures. Ouais. On vous dit au 31 mai, Blood at Shoes, vous étiez sur Radio Montpellier, ici 20h58, et on se quitte à 21h. À la prochaine. On va passer un très bon moment avec vous, un gros bisou.